C'est l'histoire d'une floraison. Après une longue, longue, longue nuit de noir et de ténèbres, enfin le tunnel s'achève. Et la lumière paraît. Le patani-yayi. La floraison est là. Is a home, so do you tell?